On est bien. Je suis bien. Parfois, c'est comme un sursaut. Parfois, je m'agrippe encore. Je deviens haineux. Haineux et enragé. Je fais les comptes, je me souviens. Je mords. Il m'arrive de mordre. Ce que j'avais pardonné, je le reprends. Un noyé qui tuerait ses sauveteurs. Je leur plonge la tête dans la rivière. Je vous détruis sans regret, avec férocité. Je dis du mal. Je suis dans mon lit, c'est la nuit, et parce que j'ai peur, je ne saurais m'endormir. Je vomis la haine. Elle m'apaise. Et m'épuise. Et cet épuisement me laissera disparaître, enfin. Demain, je suis calme à nouveau. Lent. Et pâle. Les uns après les autres et vous ne le savez pas. Et je suis l'unique survivant. Je mourrai dernier. Je suis un meurtrier. Les meurtriers ne meurent pas. Faudra m'abattre. Je pense du mal. Je n'aime personne. Je ne vous ai jamais aimé. C'était des mensonges. Je n'aime personne. Et je suis solitaire. Et solitaire. Je ne risque rien. Je décide de tout. La mort aussi, elle est ma décision. Et mourir vous abîme. Et c'est vous abîmer que je veux. Je meurs par dépit. Je meurs par méchanceté et mesquinerie. Je me sacrifie. Vous souffrirez plus longtemps et plus durement que moi. Et je vous verrai, je vous devine, je vous regarderai. Et j'en rirai de vous et haïrai vos douleurs. Pourquoi la mort devrait-elle me rendre bon? C'est une idée de vivant. Inquiet de mes possibles égarements. Mauvais et médiocre. Je n'ai plus que de minuscules craintes et d'infimes soucis. Rien de pire. Que ferez-vous de moi et de toutes ces choses qui m'appartenaient? Ce n'est pas beau? Mais ne pas être beau me laissera moins regrettable. C'est il y a quelques mois, je me suis enfui. Je veux devenir voyageur, errer. Tous les agonisants ont ces prétentions. Se fracasser la tête contre les vitres de la chambre. Donner de grands coups d'aile imbécile. Errer. Perdu déjà et croire disparaître. Courir devant la mort, prétendre la semer, qu'elle ne puisse jamais m'atteindre ou qu'elle ne sache jamais où me retrouver. Là où j'étais et fus toujours, je ne serai plus. Je serai loin, caché dans les grands espaces. Dans un trou, à me mentir et ricaner. Je visite. J'aime être dilettante. Un jeune homme faussement fragile qui s'étiole et prend des pauses. Je suis un étranger. Je me protège, j'élimine de circonstances. Il aurait fallu me voir avec mon secret dans la salle d'attente des aéroports. J'étais convaincant. La mort prochaine et moi, nous faisons nos adieux. Nous nous promenons, nous marchons la nuit dans les rues désertes, légèrement brumées. Et nous nous plaisons beaucoup. Nous sommes élégants et désinvoltes. Nous sommes assez joliment mystérieux. Nous ne laissons rien deviner. Et les réceptionnistes, la nuit, éprouvent du respect pour nous. Nous pourrions les séduire. Je ne faisais rien. Je faisais semblant. J'éprouvais la nostalgie. Je découvre des pays. Je les aime littéraires. Je lis des livres. Je revois quelques souvenirs. Je fais parfois de longs détours pour juste recommencer et d'autres jours, sans que je sache ou comprenne, il m'arrivait de vouloir tout éviter et ne plus reconnaître. Je ne crois en rien. Mais lorsqu'un soir, sur le quai de la gare, c'est une image assez convenue. Dans une chambre d'hôtel, celui-là, hôtel d'Angleterre, Neuchâtel, Suisse. Ou un autre, hôtel du roi de Sicile. Ça m'est bien égal. Ou dans la seconde salle à manger d'un restaurant plein de joyeux fêtards, où je dînais seul, dans l'indifférence et le bruit, on vint doucement me tapoter l'épaule en me disant avec un gentil sourire triste de gamin égaré. À quoi bon ? Ce... À quoi bon ? Rabatteur de la mort. Elle m'avait enfin retrouvé sans m'avoir cherché. Ce « à quoi bon » me ramena à la maison, m'y renvoya, m'encourageant à revenir de mes dérisoires et vaines escapades, et m'ordonnant désormais de cesser de jouer. Il est temps. Je traverse à nouveau le paysage en sens inverse. Chaque lieu, même le plus laid ou le plus idiot, je veux noter que je le vois pour la dernière fois. Je prétends le retenir. Je reviens. Et j'attends. Je me tiendrai tranquille maintenant. Je promets, je ne ferai plus d'histoire. Digne et silencieux. Ces mots qu'on emploie. Je perds. J'ai perdu. Je range. Je mets de l'ordre. Je viens ici rendre visite. Je laisse les choses en l'état. J'essaie de terminer. De tirer des conclusions. D'être paisible. Je ne gesticule plus. Et j'émets des sentences symboliques pleines de sous-entendus gratifiants. Je me complais. Rien ne me flatte autant désormais que ma propre angoisse. Il m'arrivait aussi parfois, les derniers temps, de me sourire à moi-même, comme pour une photographie à venir. Vos doigts, cela repasse, en prenant garde de ne pas la salir ou d'y laisser de coupables empreintes. Il était exactement ainsi. Et c'est tellement faux. Si vous réfléchissiez un instant, vous pourriez l'admettre. C'était tellement faux. Je faisais juste mine de... Je ne suis pas arrivé ce matin. J'ai voyagé cette nuit. Je suis parti hier soir et je voulais arriver beaucoup plus tôt et j'ai renoncé en cours de route. Je me suis arrêté. Ce que je voulais dire. J'étais à la gare ce matin. Dès 3 ou 4 heures. J'attendais le moment décent pour venir ici. Pourquoi est-ce que tu me racontes ça? Pourquoi est-ce que tu me dis ça? Qu'est-ce que je dois répondre? Je dois répondre quelque chose. Je ne sais pas. Non. Je disais ça. Je voulais que tu le saches. C'est pas important. Je te le dis parce que c'est vrai, je voulais te le dire. Ne commence pas. Quoi? Tu sais. Ne commence pas. Tu voudras me raconter des histoires, je vais me perdre. Je te vois assez bien, tu vas me raconter des histoires. Tu étais à la gare, tu attendais. Et peu à peu, tu vas me noyer. Bon, tu as voyagé cette nuit, c'était bien? Comment est-ce que c'était? Bon, je disais ça, c'est sans importance. Oui, c'était bien. Je ne sais pas, un voyage assez banal. Vous semblez toujours vouloir croire que j'habite à des milliers, centaines, milliers de kilomètres. J'ai voyagé, c'est tout. Je ne dis rien si tu ne veux rien dire. C'est pas le problème, j'ai rien dit, je t'écoute. Tout de suite, aussitôt, je ne t'empêchais pas. Oui. La gare. Non, rien qui vaille la peine, rien d'essentiel. Je disais ça, je pensais que peut-être tu aurais pu être heureux. Bon, pas heureux, content. Je pensais que tu aurais pu être content que je te le dise. Ou de le savoir. Heureux de le savoir. J'étais au buffet de la gare. Je ne sais pas à quelle heure je suis arrivé. Vers 4 heures peut-être. J'étais au buffet, j'attendais, j'étais là. J'allais pas venir directement ici. Manquer si longtemps. Et débarquer ainsi à l'improviste? Non. J'aurais pu avoir peur. Ou encore, elle ne m'aurait pas ouvert. J'imagine assez Suzanne, là, comme je la vois, je la découvre. J'imagine assez Suzanne me recevant avec une carabine. Non. J'attendais, je me suis dit. J'y pensais. C'est pour ça que j'en ai parlé. Ce sont des idées qui traversent la tête. Et on se dit, plus tard, qu'on devra les répéter. Des recommandations qu'on se fait. Je me suis dit, je me suis fait la recommandation, donc, de te le dire plus tard. Lorsque je te verrai. Et aussi, oui, de ne le dire qu'à toi. Surtout, c'est bien le but, leur cacher car elles pourraient être fâchées. Je me suis dit que je te dirais que j'étais arrivé beaucoup plus tôt et que j'avais traîné un peu. C'est ça, c'est exactement ça, ce que je disais. Les histoires. Et après, on se noie. Et moi, il faut que j'écoute. Et je ne saurais jamais ce qui est vrai et ce qui est faux. La part du mensonge. Tu es comme ça, s'il y a bien une chose. Non, c'est pas la seule. S'il y a bien une chose que j'ai pas oubliée en songeant à toi, c'est tout ça. Ces histoires pour rien. Des histoires, je ne comprends rien. Tu ne te disais rien. Tu buvais ton café. Tu devais boire un café, t'avais mal au ventre parce que tu fumes pas et que les endroits comme celui-là tôt le matin, je le sais mieux que toi. Les endroits comme celui-là puent la fumée et donnent envie de dégueuler. Avec la fumée qui te descend dessus et te donne mal à la tête et aux yeux. Tu lisais le journal. Tu dois être devenu ce genre d'homme qui lise les journaux. Des journaux que je n'ai jamais. Parfois, assis en face de moi, je vois des hommes qui lisent ces journaux. Et je pense à toi. Et je me dis, voilà les journaux que doit lire mon frère. Il doit ressembler à ces hommes-là. Et j'essaie de lire à l'envers. Et puis aussitôt, j'abandonne et je m'en fiche. Je fais comme je veux. Tu essayais de lire le journal. Parce que le dimanche matin au buffet de la gare, t'as tous les gosses qui sont allés faire la fête et ils font du bruit. Et ils continuent à s'amuser. Et toi, dans ton coin, tu peux même pas lire, te concentrer sur ta lecture. Et la fumée des cigarettes te donne juste envie de repartir. C'est à ça que tu penses. Point. Tu regrettais. Tu regrettes d'avoir fait ce voyage-là. Tu ne regrettes pas. Tu ne sais pas pourquoi tu es venu. Tu n'en connais pas la raison. Moi non plus, je ne sais pas pourquoi tu es venu. Et personne ne comprend. Et tu veux regretter qu'on ne sache pas. Parce que si nous savions, si je savais, les choses te seraient plus faciles, moins longues. Et tu serais déjà débarrassé de cette corvée. Tu es venu parce que tu l'as décidé, ça t'a pris, un jour, l'idée. Juste une idée, comment est-ce que t'as dit? Une recommandation que tu t'es faite. Faite! Merde! Ou encore, depuis de nombreuses années, est-ce que je sais? Comment est-ce que je pourrais savoir? Peut-être depuis le premier jour, à peine parti, dans le train, ou dès le lendemain, aussitôt. Toujours été comme ça, à regretter tout et son contraire. Depuis de nombreuses années maintenant, tu te disais, tu ne cessais de te le répéter. Tu te disais que tu devrais bien, un jour, revenir nous rendre visite. Nous voir, nous revoir. Et là, subitement, tu t'es décidé, je sais pas. Tu crois que c'est important pour moi? Tu te trompes. Ce n'est pas important pour moi, cela ne peut plus l'être. Tu ne te disais rien, je sais, je te vois. Tu ne te disais rien, tu ne pensais pas que tu me dirais quelque chose, que tu me dirais quoi que ce soit. Ce sont des sottises, tu inventes. C'est là, à l'instant, tu m'as vu, et tu as inventé tout ça pour me parler. Tu ne te disais rien parce que tu ne me connais pas. Tu crois me connaître, mais tu ne me connais pas. Tu me connaîtrais parce que je suis ton frère? Ce sont aussi des sottises. Tu ne me connais plus. Il y a longtemps que tu ne me connais plus. Tu ne sais pas qui je suis. Tu l'as jamais su. C'est pas de ta faute et c'est pas de la mienne non plus. Moi non plus, je ne te connais pas. Mais moi, je ne prétends rien. On ne se connaît pas. Et on ne s'imagine pas qu'on dira telle ou telle chose à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ce qu'on veut dire à quelqu'un qu'on imagine, on l'imagine aussi. Des histoires et rien d'autre. Ce que tu veux, ce que tu voulais. Tu m'as vu et tu sais pas comment m'attraper. Comment me prendre? Vous dites toujours ça. On sait pas comment le prendre et aussi, je vous entends. Il faut savoir le prendre, comme on dit d'un homme méchant et brutal. Tu voulais m'attraper, tu as acheté ça. Tu entames la conversation, tu sais bien faire. C'est une méthode. C'est juste une technique pour noyer et tuer les animaux. Mais moi, je veux pas. J'ai pas envie. Pourquoi tu es là? Je ne veux pas le savoir. Tu as le droit, c'est tout, et rien de plus. Et ne pas être là, tu as le droit également. C'est pareil pour moi. Ici, d'une certaine manière, c'est chez toi. Et tu peux y être, chaque fois que tu le souhaites. Et encore, tu peux en partir. Toujours le droit. Cela ne me concerne pas. Tout n'est pas exceptionnel dans ta vie. Dans ta petite vie. C'est une petite vie aussi. Je ne dois pas avoir peur de ça. Tout n'est pas exceptionnel. Tu peux essayer de rendre tout exceptionnel. Mais tout ne l'est pas. Où est-ce que tu vas? Je ne veux pas être là. Tu vas me parler maintenant, tu voudras me parler. Et il faudra que j'écoute. Et j'ai pas envie d'écouter. Je veux pas, j'ai peur. Il faut toujours que vous me racontiez tout. Toujours, tout le temps, depuis toujours. Vous me parlez et je dois écouter. Les gens qui ne disent jamais rien. On croit juste qu'ils veulent entendre. Mais souvent, tu sais pas. Je me taisais pour donner l'exemple. Catherine! Comme la nuit en pleine journée. On ne voit rien. J'entends juste les bruits. J'écoute. Je suis perdu. Et je ne retrouve personne. Dis, je n'ai pas entendu. Répète. Louis. ce que tu es. Toi et moi. Ce que tu veux. Je t'entendais. Tu criais. Non, j'ai cru que tu criais. Je croyais t'entendre. Je te cherchais. Vous vous disputiez. Vous vous êtes retrouvés. Je me suis énervé. On s'est énervé. Je ne pensais pas qu'il serait ainsi. Mais à l'ordinaire, les autres jours, nous ne sommes pas comme ça. Nous n'étions pas comme ça, je ne crois pas. Pas toujours comme ça. Les autres jours, nous allons chacun de notre côté. On ne se touche pas. Nous nous entendons. C'est l'amour. Et ensuite, dans mon rêve encore, toutes les pièces de la maison étaient loin les unes des autres. Et jamais je ne pouvais les atteindre. Il fallait marcher pendant des heures et je ne reconnaissais rien. Oui. Et pour ne pas avoir peur, comme lorsque je marche dans la nuit, je suis enfant, il faut maintenant que je revienne très vite. Je me répète cela. Ou bien plutôt je me le chantonne pour entendre juste le son de ma voix et plus rien que cela. Je me chantonne que désormais, la pire des choses serait que je sois amoureux. La pire des choses, que je veuille attendre un peu. La pire des choses, je le sais bien. La pire des choses serait que je sois amoureux. La pire des choses, que je veuille attendre un peu. Ce que je ne comprends pas. Tu ris? Je ne te vois jamais rire. Ce que nous ne comprenons pas. Antoine, oui. Ce que je ne comprends pas. Et n'ai jamais compris. Et peu probable que je comprenne jamais. Que je ne comprenne jamais. Oui. Oui, on est là. Ce que tu ne comprends pas. On n'était pas si loin. Il aurait pu venir nous voir plus souvent. Et rien de bien tragique non plus. Pas de drame, des trahisons. Cela que je ne comprends pas, ou ne peux pas comprendre. Comme ça. Pas d'autre explication, rien de plus. Toujours été ainsi. Désirable. Je ne sais pas si on peut dire ça. Désirable et lointain. Distant. Rien qui se prête mieux à la situation. Parti et n'ayant jamais éprouvé le besoin. Ou la simple nécessité. Où est-ce qu'ils sont ? Qui ? Eux, les autres. Je n'entends plus personne. Vous vous disputiez, Antoine et vous. Je ne me trompe pas. On entendait Antoine s'énerver. Et c'est maintenant comme si tout le monde était parti et que nous soyons perdus. Je ne sais pas. Ils doivent être par là. Où est-ce que vous allez ? Antoine ! Oui ! Et que je sois malheureuse ? Que je puisse être triste et malheureuse ! Et tu ne l'es pas. Et ne l'a jamais été. C'est lui, l'homme malheureux. Celui-là qui ne te voyait plus pendant toutes ces années. Tu crois aujourd'hui que tu étais malheureuse, mais vous êtes semblables, lui et toi. Et moi aussi, je suis comme vous. Tu as seulement décidé que tu l'étais, que tu devais l'être, et tu as voulu le croire. Tu voulais être malheureuse parce qu'il était loin. Mais c'est pas la raison. C'est pas une bonne raison, tu ne peux le rendre responsable. Pas une raison du tout. C'est juste un arrangement. Je vous cherchais. Je n'ai pas bougé. Je ne vous avais pas entendu. C'était Louis, j'écoutais, c'était Louis. Il est parti par là. Louis ! Oui, on est là ! Pourquoi est-ce que tu ne réponds jamais quand on t'appelle ? Elle t'a appelé, Catherine t'a appelé. Et parfois nous aussi nous tapons, mais tu ne réponds jamais, alors on doit te chercher, faut te chercher. Vous me retrouvez toujours. Jamais perdu bien longtemps n'est pas le souvenir que vous m'ayez jamais, au bout du compte, que vous m'ayez jamais définitivement perdu. Juste là, tout près. On peut me mettre la main dessus. Tu peux essayer de me rendre plus triste encore ou mauvaise. Ce qui revient au même, cela ne marche pas. Toi aussi. Tu as de petits arrangements, je les connais. Tu crois que je les connais pas? Ce que je disais. Retrouver. Quoi? J'ai pas compris. C'est malin ce que tu as dit. Qu'est-ce que tu as dit? Reviens. Ta gueule, Suzanne. Louis, tu n'entendais pas, j'appelais. J'étais là. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas, ce n'est rien. Je croyais que tu étais parti. Et plus tard, vers la fin de la journée, c'est exactement ainsi, lorsque j'y réfléchis, que j'avais imaginé les choses. Vers la fin de la journée, sans avoir rien dit de ce qui me tenait à cœur. C'est juste une idée, mais elle n'est pas jouable. Sans avoir jamais osé faire tout ce mal, je repris la route. Je demandais qu'on m'accompagne à la gare, qu'on me laisse partir. Je promets qu'il n'y aura plus tout ce temps avant que je revienne. Je dis des mensonges. Je promets d'être là, à nouveau, très bientôt. Des phrases comme ça. Les semaines, les mois peut-être qui suivent, je téléphone. Je donne des nouvelles. J'écoute ce qu'on me raconte. Je fais quelques efforts. J'ai l'amour, plein de bonne volonté. Mais c'était juste la dernière fois. Ce que je lui ai dit, sans le laisser voir. Elle me caresse une seule fois la joue. Doucement. Comme pour m'expliquer qu'elle me pardonne. Je ne sais quel crime. Et ces crimes que je ne me connais pas, je les regrette. Et j'en éprouve du remords. Antoine est sur le pas de la porte. Il agite les clés de sa voiture. Il dit plusieurs fois qu'il ne veut en aucun cas me presser, qu'il ne souhaite pas que je parte, que jamais il ne me chasse, mais qu'il est l'heure du départ. Et bien que tout cela soit vrai, il semble vouloir me faire déguerpir. C'est l'image qu'il donne. C'est l'idée que j'emporte. Il ne me retient pas. Et sans le lui dire, j'ose l'en accuser. C'est de cela que je me venge. Un jour, je me suis accordé tous les droits. Je vais l'accompagner, je t'accompagne. Ce que nous pouvons faire, ce qu'on pourrait faire, voilà qui serait pratique. Ce qu'on peut faire, c'est de conduire. T'accompagner en rentrant à la maison. C'est sur la route, sur le chemin. Ça fait faire à peine un léger détour et nous t'accompagnons. On te dépose. Moi, je peux aussi bien. Vous restez là, nous dînons tous ensemble, je le conduis. C'est moi qui conduis. Et je reviens aussitôt. Mieux encore. Mais on ne m'écoute jamais, tout est décidé. Mieux encore, il dîne avec nous. Tu peux dîner avec nous. Bon, je ne sais pas pourquoi je me fatigue. Et il prend un autre train. Qu'est-ce que ça fait? Mieux encore. Je vois que ça ne sert à rien. Dis quelque chose! Ils font comme ils l'entendent. Mieux encore, je dors à la maison. Je passe la nuit, je ne pars que demain. Mieux encore, je déjeune demain à la maison. Mieux encore, je ne travaille plus jamais. Je renonce à tout, j'épouse ma sœur, nous vivons très heureux. Suzanne! J'ai dit que je l'accompagnais, elle est impossible. Tout est réglé, mais elle va à nouveau tout changer. Tu es impossible. Il veut partir ce soir, et toi tu répètes toujours les mêmes choses. Il veut partir, il part, je l'accompagne, on le dépose, c'est sur notre route. Ça ne nous gênera pas. Cela joint l'utile à l'agréable. C'est ça. Voilà, exactement, comment est-ce qu'on dit? D'une pierre deux coups. Ce que tu peux être désagréable? Je ne comprends pas ça. Tu es désagréable, tu vois comme tu lui parles? Tu es désagréable, ça n'est pas imaginable. Moi? C'est de « je suis désagréable » Tu ne te rends même pas compte. Tu es désagréable, c'est invraisemblable, tu ne t'entends pas, tu t'entendrais. Qu'est-ce que c'est encore que ça? Elle est impossible aujourd'hui, ce que je disais. Je ne sais pas ce qu'elle a après moi. Je sais pas ce que tu as après moi. Tu es différente. Si c'est Louis,